Bonjour, bonjour tout le monde, c'est Michel Monnette au micro pour l'émission Les Oreilles Ailleurs. Cette semaine, vous aurez pu vous sentir dans un café au Caire parce que nous serons en Égypte pendant toute l'émission. Et on débute cette heure égyptienne avec le chanteur manifestant Rami Hassam. Il a reçu le prix international Frimuse en 2011. C'est un prix qui récompense chaque année un acteur majeur de la liberté par et pour la musique. J'avais déjà parlé d'ailleurs de Frimuse, The World Forum on Music and Censorship, le Forum mondial de la musique et de la censure. C'est une organisation internationale indépendante qui travaille pour la liberté d'expression pour des musiciens et des compositeurs dans le monde entier. Quant à Hassam, il s'est rendu célèbre par son chant « Ral Hosni Moubarak » qui veut dire « Dégage Moubarak ». Il a continué, malgré la torture par la police militaire, les évacuations de Tahrir par la force brutale, il a continué à se battre et à chanter contre le pouvoir militaire et pour un état civil. Il y a quelques jours, Frimuse annonçait que le chanteur a accepté d'être en résidence d'artiste pour les deux prochaines années dans la ville suédoise de Malmö. Et ça m'a tenu à préciser par la suite que ce n'était pas un exil, tout en ajoutant que c'était devenu de plus en plus difficile pour lui de chanter en Égypte à cause de la censure des autorités civiles et du harcèlement qu'il subit de la part des autorités policières. On va écouter deux pièces de lui tirées de l'album, de son dernier album, Revolution Erupts. C'est un album paru en 2013. On va écouter Ad Moubarak. Ça va être suivi de Betati en version acoustique. معظم اطلع ببشاشة ومهندم اطلع عالشاشة وتمعظم اطلع ببشاشة ومهندم اوصف حالي لو غير الحال يصبح حالي ما انت طول عمرك يا فندم عارف مالي وفاهم في الوضع العمالي انت طول عمرك يا فندم عارف مالي يا وفاهم في الوضع العمالي لكن مصر دي بقى غيرها سميها الصين او مالي والقدرة لو تبقى قدارة الزير ينفع يبقى وزير ومعونة معون واللت كتير والقدرة لو تبقى قدارة الزير ينفع يبقى وزير ومعونة معون واللت كتير بس ديمقراطي مش هي ديمقراطك بس ديمقراطي مش هي ديمقراطك وبلدنا لو تبقى مراتك عقد شرعي ليه بس الأحكام العرفي وبلدنا لو تبقى مراتك ما تجس العسكر من بعدك يطلع عالشاشة ويتمعظم يوصف حالي عارف مالي عارف مالي عارف مالي يخلص مالي ولا جبتش أشياء لازمالي اطلع عالشاشة واتمعظم اطلع ببشاشة ومهندم اطلع عالشاشة واتمعظم اطلع ببشاشة ومهندم اوصف حالي لو غير الحال يصبح حالي Thank you. اعمل لي بطاقة تكون مركب شراع في الغرق يعديني اعمل لي بطاقة تكون مفتاح والصندوق يبقى قصاد عيني مش نكتة قديمة وصدقني سرقوا الصندوق وادي مفتاحه رحت اتصور حالق دقني طلع الدقني بفضل سلاحه اعمل لي بطاقة تكون مركب شراع في الغرق يعديني اعمل لي بطاقة تكون مفتاح والصندوق يبقى قصاد عيني مش نكتة قديمة وصدقني سرقوا الصندوق وادي مفتاحه رحت اتصور حالق دقني طلع الدقني بفضل سلاحه اعمل لي بطاقة جديدة يا عم جديدة يا عم يا ما شلت الطاقة وشفت المر انا شفت المر اكتب لي النيل في فصيلة الدم فصيلة الدم اسمي يكون فيها المصري الحر المصري الحر دي بطاقتي بخوف بيها الناس ارجوك اعمل لي بطاقة تانية الدين لله والعدل اساس والعنوان مصر ام الدنيا حتى الله ما بيني وبين ورقك غير حقي وحقك يا حكومة وبطاقتي تكون عهدي وعهدي على ان بلدنا تشوف قومة دي بطاقتي بخوف بيها الناس ارجوك اعمل لي بطاقة تانية الدين لله والعدل اساس والعنوان مصر ام الدنيا حتى الله ما بيني وبين ورقك غير حقي وحقك يا حكومة وبطاقتي تكون عهدي وعهد على ان بلدنا تشوف قومة اعمل لي بطاقة جديدة يا عم جديدة يا عم يا ما شلت الطاقة وشفت المر انا شفت المر اكتب لي النيل في فصيلة الدم فصيلة الدم اسمي يكون فيها المصري الحر المصري الحر اعمل لي بطاقة جديدة يا عم جديدة يا عم يا ما شلت الطاقة وشفت المر انا شفت المر اكتب لي النيل في فصيلة الدم فصيلة الدم اسمي يكون فيها المصري الحر المصري الحر. C'était Rami Hassam dans Betati. La prochaine voix qu'on va entendre, la prochaine voix égyptienne, on la qualifie de force créative importante et de voix puissante pour sa génération. Elle a précédé, elle a accompagné et elle suit cette période d'effervescence autour de 2011, ce printemps arabe à la sauce égyptienne qui, hélas, ne va pas aussi bien qu'on le souhaiterait. La Mariam Saleh, c'est elle qu'on va entendre. C'est une compositrice, une chanteuse qui produit une musique très personnelle, mais très politique et très philosophique aussi. C'est une musique intense et intelligente en langue arabe. Elle avait débuté d'ailleurs sa carrière, en fait, elle avait commencé à chanter avant, mais elle avait débuté sa carrière en présentant des versions... Ses propres versions, ses réinterprétations de chansons d'un chanteur révolutionnaire égyptien assez célèbre dans les années 80-90, Sheikh Iman. Il est décédé en 1995, Sheikh Iman. Mais elle avait ajouté une saveur contemporaine avec du rock, avec de l'électronique. Là, elle vient de sortir un album, tout juste de sortir un album avec le musicien et producteur libanais Zayd Hamdan. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de Zayd Hamdan, ce producteur libanais qui a fait connaître de nombreux artistes de son pays, mais aussi de d'autres pays arabes. L'album s'appelle Alawella. C'est, hélas, c'est un album que je ne pourrais pas vous présenter aujourd'hui parce qu'il n'est pas encore disponible au Québec, même s'il est sorti en juin dernier. C'est un peu frustrant de voir des albums comme ça qui sont sortis, mais qui ne sont pas encore disponibles. Je vais y revenir, je vais sûrement vous présenter des extraits de cet album. Là, on va écouter Anna Mesh Bekani, tirée de l'album Mesh Bekani. C'est un album qui est paru en mai 2012. L'album s'appelle Je ne chante pas. C'est le premier album de Mariam Saleh. C'est un album qui fusionne des mélodies traditionnelles avec le rock psychédélique, le funk et le trip-hop. Aussi des notes de piano, des notes de percussion. C'est assez intéressant. Tout l'album est bon. On va écouter Anna Mesh Bagani. Ensuite, on va écouter Dina El Wedidi. Je prendrai quand même la peine de vous dire qui est Dina El Wedidi, une autre voix importante de la révolution qui a accompagné qu'on a appelé dans différents pays arabes, qu'on a appelé le printemps arabe. Commençons donc par Mariam Saleh. « Bon, il y a un petit problème, là. Je vais essayer de retracer Mariam Saleh parce qu'il y a un petit déplacement dans... Ah, le voilà. Je vous la fais écouter. Voilà, c'était Mariam Salès. C'est pas la première fois que vous l'avez entendue à l'émission Les Oreilles Ailleurs, et c'est certainement pas la dernière fois que vous allez l'entendre. La prochaine chanteuse qu'on va entendre, Dina El Wedidi, disait il y a un an, presque jour pour jour, en fait le 30 octobre 2013, elle disait dans une entrevue: pendant les 18 jours qu'a duré la révolution, j'ai chanté chaque soir avec mon groupe Place Tahrir devant 3 millions de personnes. C'était une sensation indescriptible. J'ai perdu à l'époque beaucoup de proches et nous sommes aujourd'hui loin de la liberté. L'intégrisme est devenu suffocant. Elle disait ça en 2013. Je ne crois pas que ça ait beaucoup changé depuis. Elle disait aussi que la musique traditionnelle égyptienne est très riche, mais un artiste ne peut pas rester figé à la musique traditionnelle égyptienne. Elle n'hésite pas à mélanger des instruments anciens avec la batterie, le synthétiseur, les saxophones. Du coup, elle est étiquetée de musicienne underground. Ce qui signifie rejetée par certains labels et médias en Égypte. Elle a aussi été identifiée comme activiste par la police égyptienne. Figurer sur ce genre de liste, ça veut dire subir des menaces et faire subir des menaces à sa famille. Chose qu'on ne connaît pas ici au Québec. En tant qu'artiste, elle a des problèmes à s'exprimer, à gagner sa vie, mais elle ne veut pas partir de son pays. Elle chante une fois par semaine dans les prisons égyptiennes. Elle a mis en place un projet d'apprentissage de la musique et du théâtre pour les enfants des quartiers défavorisés du Caire. Elle a besoin de faire face à son pays, à son histoire. Sa génération doit être présente, elle ne doit pas fuir. On va entendre d'elle une chanson qui est tirée d'un album qui vient de sortir. C'est un album qui s'intitule Songs from a Stolen Spring, un album fort intéressant puisque ce sont... En fait, c'est un jumelage de chanteurs, chanteuses des pays qui ont vécu le printemps arabe, mais aussi de chanteurs, chanteuses d'ailleurs dans le monde, surtout américains, et qui, eux, chantent des chansons identifiées, des chansons de liberté, des chansons qui parlent de liberté, mais des grands classiques. Vous allez voir, vous allez le reconnaître. D'ailleurs, la chanson qu'elle va chanter, elle, de son côté, c'est Beyond These Doors. Et celui qui l'accompagne va chanter Get Up, Stand Up. Celui qui l'accompagne, attendez un petit peu, je veux juste retracer son nom, c'est Glenn Tilbrook, j'aurais dû m'en rappeler. On va écouter. Ensuite, on va écouter une autre voix égyptienne, fort importante. Elle est beaucoup plus identifiée à la musique traditionnelle arabe. Et ce qu'on va entendre, c'est tiré par la suite, ce qu'on va entendre, c'est tiré de Our Dreams Are Our Weapons, Soundtracks from the Revolution in Tunisia and Egypt. C'est Aïda El Ayoubi qu'on va entendre. La chanson qu'elle va faire jouer, c'est Bek Ya Baladi. Je t'aime tant, mon pays, s'intitule la chanson. Yaoubi est née à Aix-la-Chapelle d'une mère allemande et d'un père égyptien. Elle a grandi en Égypte. Elle a étudié dans le système scolaire allemand, puis elle a intégré l'université américaine du Caire. Elle a étudié les mathématiques et l'informatique. Mais elle a décidé quand même de s'en aller vers la musique et elle a produit quelques albums, dont un de musique soufi en 2004. On va l'écouter dans Bahébek Ya Baladi. I love you, oh my country. Je t'aime tant, mon pays. Mais avant, on va écouter Dina El Wedidi. Et dans la chanson Beyond These Doors, Get Up, Stand Up. في بيبان مرصوصة ورا بعضها افتح قلب جبان ولا احتمي في ظهرها بعد البيبان في بيبان مرصوصة ورا بعضها افتح قلب جبان ولا احتمي في ظهرها رد اللي بعد البيبان عايزش غير لطموح غير لطموح غير لطموح

عايش في بلدي رايتي السلام بحبك يا بلدي حبك في قلبي ما له تمن ولا حدود حبك في قلبي Baladi, je t'aime tant mon pays de Aïda El Ayoubi, tiré de l'album Our Dreams Are Our Weapons, nos rêves sont nos armes. C'est écrit aussi sur la pochette From the Kashba, Tunis to Tahrir Square, Cairo and Back. On poursuit avec Kairouki. Kairouki, c'est un autre groupe qui a émergé en 2011 lors de la révolution en Égypte. Ils étaient plutôt marginalisés par un pouvoir qui contrôlait le secteur culturel jusque-là. Depuis, ils ont été reconnus au point où Coca-Cola même les a parrainés tout récemment. Vous avez présenté quelques chansons d'eux le 16 mars 2014. Vous pouvez les réentendre en vous rendant sur le blog de l'émission Les Oreilles Ailleurs, lesoreillesailleurs.net. Vous vous rendez donc jusqu'au 16 mars 2014. Vous allez pouvoir réentendre. Il me semble que c'est 5 chansons que vous avez présentées d'eux de leur dernier album. Aujourd'hui, on va entendre Matlab Zaim, tiré d'un album sorti en 2012. Puis, l'album du même nom, Matlab Zaim. Puis, on va écouter Ed Ganen. C'est une chanson tirée de leur dernier album, The Single Collections. Ça vient à peine de sortir en 2014. On les écoute. وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد والله الموفق والمستعان. مطلوب زعيم لشعب طول عمره عظيم لشعب كان فاعل زمان لكنه هان حتى انه صار بايدين كبار وايدين صغار مفعول بيه بيقسموا ويفرقوا ويقطعوا في عين اللي جابوا واللي جاب ابوه عشان يموت او ينتهي مطلوب زعيم لشعب حكام وخانوه وتوهوا وغيبوا واللي انتبه منه وفق غموله عينه كمموا وسلموا في المعتقل لكلاب جعانة يقطعوا لكنه رغم القهر قام زقر وزام وفي أسبوعين زلزل حصون الجلادين هد النظام فوق راس جميع المفسدين مطلوب زعيم يحمي الحقوق يعدل ما بين الناس تمام زي الفاروق ويكون حنين على الفقير وعلى اللي فاسد يفتري يهدم على دماغه الشقوق ويعلقوا في المشنقة أو يرفعوا على راس خزو مطلوب زعيم ما يقولش عالخواف حكيم ويكون كبير كمان سمعوا سليم يسمع لنبضة قلبنا ويكون مكانه في وسطنا ما يعيش أبدا في القصور والبعض منا للأسف ساكنين قبور يشرب ويأكل أكلنا ويعيش كواحد مننا يسمع لنا ويشور وياخد رأينا وقت الخطر نتلم حوالي كلنا ونضحي وياه بعمرنا مطلوب زعيم عالمسؤولية يكون أمين ويكون جريء ويكون شجاع مش همعة وحدة بتاع يعرف يقول للظلم لا ويموت ولا يفرط في حق والضحكة تبقى ضحكتين واتنين في اتنين في اتنين ضحك كل اللي عايشين كلنا في مركب واحدة مكملين والصورة الحلوة بتتاخد في ثانيتين اوعى تغمض عينيك تقف بعيد وحيد حاجات كتير حواليك بتناديك ابسم ولون وشوش الناس شغل مزيكا تخيل غني بإحساس سيب نفسك لو حتى يوم لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون سيب نفسك لو حتى يوم ولو كل الناس هيقولوا عليك مجنون عيش للناس اضحك ما الضحكة يا ما تشيل كتير وكتير مجانين في الخير ساعدوك كل اللي عايشين لو بكرة تساعد تاني مش بعيد بعدها تصحى تلاقي في كل الدنيا عيد ما تعيش الدنيا بروح الطفل اللي جواك لو مهما قالوا الضحكة مش مفارقك افتح شباكك ونور حياتك انزل افرح فرح سيب نفسك لو حتى يوم لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون سيب نفسك لو حتى يوم لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون Thank you. نفض اي زعل او هم عن هدومك، ارسم ابتسامة حلوة ابدأ بيها يومك، اتجنن اعمل اي خير لغيرك من يلومك، اضحك وامسح اللي باقي لسه من همومك، خلي السعادة عادة حتى ولو بزيادة، اعمل خير من غير ما تسأل ايه الاستفادة، بحلم بالفرح بحلم بابتسامة، بحلم ان الضحكة تبقى في وشنا علامة، مجنون عادي جدا ممكن بيها توصفوه، مبسوط وعلى السعادة جايز جدا تسيب نفسك لو حتى يوم، لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون، سيب نفسك لو حتى يوم، لو كل الناس هيقولوا عليك مجنون، عيش للناس. C'était Kairoki dans Et Ganon. C'est tiré d'un album qui vient de sortir de Singles Collection. Toujours en lien avec le printemps arabe tel que vécu au Caire, tel que vécu en Égypte, avec hélas beaucoup de déceptions par la suite. On va maintenant entendre la chanteuse Yousra El Hawari. Elle avait été récompensée pour une vidéo qui avait été tournée devant un mur rédigé pour empêcher les manifestants de se rendre devant le ministère de la Justice au Caire. La chanson, la vidéo s'appelait Elle Sourd. On va écouter trois chansons d'elle. Bat Tessen, c'est une chanson qui joue dans le dernier film du réalisateur égyptien Mohamed Khan. Mohamed Khan, c'est quand même un important réalisateur égyptien, au point où trois de ses films ont été choisis, ont été en fait identifiés comme étant parmi les 100 plus importants films de toute l'histoire du cinéma arabe, ce qui est quand même pas rien. Le film s'intitule Factory Girl et les acteurs, ce sont des acteurs connus en Égypte. Ce qui est quand même intéressant de voir qu'un réalisateur important comme Mohamed Khan choisit une chanson de Yousra El Hawari pour jouer dans son film. On va écouter deux autres chansons d'elle, El Mohem puis On the Street. On écoute Yousra El Hawari. Ça sera pas bien long. Je cherche la chanson. Voilà. ببتسم من كتر حبي للعالم، ببتسم من كتر خوف وعيت عليه، ببتسم من كتر حبي للعالم، ببتسم من كتر خوف وعيت عليه، وعيني المفتوحة على القلق كأنها وجع يبص ويبتسم وببتسم، ببتسم من كتر حبي للعالم، ببتسم من كتر خوف وعيت عليه، ببتسم من كتر حبي للعالم، ببتسم من كتر خوف وعيت عليه، با برارارا با با برارارا با برارارا با با برارارا البيبان بالراحة وببتسم، ونظرتي وتر مشدود عالآخر مبتسم، وجع إنساني ومش مفهوم، مش مفهوم لغيره، وجع إنساني ومش مفهوم لغيره بيبتسم، I وحش ويبتسم وبتسم ويبتسم وبتسم بتسم من كتر حبي للعالم بتسم من كتر خوف وعيت عليه بتسم من كتر حبي للعالم من كتر حبي للعالم بتسم Bon, il semble que la deuxième chanson... voilà, elle vient. La deuxième chanson avait un peu de difficulté à démarrer. On est dans la rue Fi Ashwara de Yusra El Hawari. On l'écoute. Cette émission avec une chanteuse égyptienne, jeune artiste égyptienne qui hésite encore entre son emploi actuel et le métier de chanteuse. C'est ce qu'elle disait dans un article en janvier dernier. Pourtant, elle a un talent fou. D'ailleurs, la revue indépendante Meda Massar, qui lui a consacré l'article dont je vous parlais en janvier dernier, Band of the Week, Aya Metwali, qui débute ainsi, je traduis parce que c'était en anglais, c'est ma traduction, folk, anti-folk, pop, anti-pop, et avant-pop, électronique, noise. Il est difficile de décider exactement dans quel genre classer Aya Metwali. Elle a commencé à mettre ses compositions sur SoundCloud en 2008, puis elle a recueilli de plus en plus d'adeptes. Avec au-delà de 12 000 adeptes, elle en a présentement 17 700. Je suis allé voir ce matin sur sa page SoundCloud. Elle dépasse de loin des musiciens tels Kairoki, qui a 2500 adeptes à peu près. Fatah Salama, un chanteur qui a gagné un Grammy quand même, 131 adeptes. Et Rami Essam, qu'on écoute au début de l'émission, 10 400. On écoute d'elle une composition qu'elle a enregistrée elle-même, comme la plupart des pièces d'ailleurs qui sont sur sa page SoundCloud. Et j'ai eu un échange Twitter avec elle, me demandant c'était quoi exactement que voulait dire la chanson. Elle m'a répondu, ça veut dire dans les papiers. Les paroles disent, vos paroles sont dans les papiers qui brûlaient. Et elle a ajouté, ça rime en français aussi. Elle a un beau sens de l'humour, Aya Metwali. Je pense si elle décide d'aller finalement vers la chanson, je pense qu'elle est vouée à une belle carrière, tout au moins dans le monde arabe et possiblement en dehors du monde arabe. On l'écoute pour terminer cette émission. Aya Metwali. C'est ainsi que se termine l'émission Les Oreilles Ailleurs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Demeurez en onde. Topic du Capricorne suit tout de suite après la pause. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. 89.1 CKRL. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... Antitube, le Dominion de 7, un chemin avec Edmond Baudouin, la carte des étoiles, le pas de la porte, Nightcrawler. Aussi, à ne pas manquer au musée de la civilisation, l'amour est un crime parfait, aventurier voyageur Pérou, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Le 7 novembre, on fête notre 7e anniversaire au Cercle. Tous nos amis, collaborateurs, clients et partenaires sont invités à se joindre à nous pour la plus grande fête de l'année. À partir de 20h, Qualité Motel, Éric Dorion, les danseurs et danseuses de la deuxième porte à gauche, King Abid et Karim Ouellet en DJ set, DJ Texture, Funk Connection, DJ Saint-Michel, DJ Alexandre Sixtopaz Berthier, This is Not Design et Rémi Barbonne célébreront avec nous. On se voit au Cercle. Pourquoi choisir Matelas Confort? Parce que les prix des fabricants sont les plus bas. Chez Matelas Confort, vous aurez toujours la meilleure offre, c'est garanti.